Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette émission spéciale estivale consacrée au rock progressif italien. C'est la troisième émission, dont la deuxième sur le rock progressif des années 2000. Et je salue Julie Couette et Johnny Couture qui sont à l'origine de ces émissions spéciales, comme on l'a expliqué dans les émissions précédentes. Alors aujourd'hui, la particularité, ça sera des groupes italiens qui ont indiqué principalement après les années 2010. Alors je rappelle que vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de l'animation, de la préparation, en fait la recherche et le choix musical avec aussi la diffusion. Alors on va débuter avec un groupe italien des années 2000, c'est Il Cerchio d'Oro. Il Cerchio d'Oro, c'est un groupe avec trois albums. Le premier paru en 2008, l'autre, en fait 2006 et 2008, et le dernier en 2013. Cet album-là s'intitule Dédalo et Icaro, et on va entendre la pièce Labirinto, qui est extraite de cet album-là. Ça va être suivi de La Conscienza di Zeno. C'est un groupe qui est actif encore. Ils ont fait paraître un album l'an dernier, leur troisième. Et ce qu'on va entendre, c'est un extrait qui est paru en 2011 sur l'album éponyme La Conscienza di Zeno. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Un Insolito Barato Autentico. Et on va conclure avec Consorcio Acquapotabile. Ça, c'est un groupe qui est assez apprécié par les amateurs de rock progressif italien. Ils ont trois albums à leur actif. Le premier en 93, ça a été suivi en 98 et l'autre en 2003. Il y a eu aussi une compilation de 4 CD. Et c'est extrait de cette compilation-là qu'on va entendre la pièce « Vivendo un Giomo ». Alors, on débute ça avec « Il Cerchio d'Oro ». Thank you. Alors, j'aimerais rappeler aux auditeurs que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale consacrée au rock progressif italien des années 2000. C'est la deuxième émission de suite. En fait, la première étant diffusée le 3 juillet 2017. Alors, ceux qui veulent faire un petit retour en arrière, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous aurez aussi la nomenclature des pièces que je vais éviter de vous donner, étant donné que c'est presque impossible à mémoriser. Alors, par contre, on a entendu les groupes avant la pause, Consortio Acqua Potabile. Ça a été précédé de la Concenza di Zeno et en début de bloc, nous avions Il Cerchio d'Oro. Pour ce deuxième bloc, nous allons débuter ça avec la formation italienne Os Sonaten. C'est le groupe de Fabio Zuffenti. C'est un groupe qu'on a pu voir au mois de mai à la convention Terra Incognita à Québec, au Centre d'art La Chapelle. Et c'est aussi Fabio Zuffenti qu'on a connu avec Finistère, entre autres, et la Curva di Lesmo récemment aussi. Alors, Os Sonaten, c'est un groupe qui a 10 albums studio. Dont le dernier, et c'est ce dernier qu'on va entendre, un extrait. C'est la symphonie numéro 1, Cupid and Psyche. Ça sera suivi de Baroque Project, qui paradoxalement va chanter en anglais. C'est une émission consacrée au rock progressif italien, mais Baroque Project a décidé de se limiter à la langue anglaise. Personnellement, je trouve ça pas mal moins attrayant. Mais c'est un choix qu'on respecte parce qu'il faut dire aussi que les musiciens sont pas mal, en fait, sont excellents. Et ils sont inspirés des groupes des années 70 comme Banco del Motuo Soccorso et aussi Premiata Forneria Marconi et pour nommer aussi Léormé. Alors, c'est sûr que c'est des inspirations qui paraissent dans leur musique. Et on va leur pardonner leur écart de comportement, sachant que c'est en anglais seulement qu'on peut les entendre. Et à la fin du bloc, nous aurons un nouveau groupe qui a sorti un seul album en 2015. C'est la Fabrica del Assoluto. Alors, on débute ça avec Os Sonaten. We'll be right back. Yeah. Alors ça, c'était la Fabbrica dell'Assoluto. Ça, c'est la relève du rock progressif italien. Ça a été enregistré en 2015 sur leur premier album et le seul à paraître jusqu'à maintenant. Et l'album s'intitule L'Ultimo Uomo d'Europa. Ça a été précédé de Baroque Project avec la pièce Back to You. Et ça, c'est extrait de Coffee in Neuklin, premier album du groupe paru en 2012. Et auparavant, nous avions O Sonaten et la pièce Unmasking. Ça, c'est tiré de Symphonie numéro 1, Cupid and Psyché. Ça, c'est paru en 2016. Alors, après la pause, nous aurons Phoenix Again, Ta Proban et La Bocca della Verità. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et je rappelle aux auditeurs, avant de débuter le troisième bloc, que vous êtes en train d'écouter une émission spéciale enregistrée sur le rock progressif italien des années 2000. Et c'est la partie 2, la première partie ayant été diffusée le 3 juillet. Et si vous voulez entendre aussi l'émission spéciale sur le rock progressif des années 70, qui est parue le 26 juin, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission « Rock de Neurones ». Et vous aurez les liens pour accéder à ces émissions-là. Alors, on débute le troisième bloc avec une formation qui a trois albums, dont le plus récent est paru il y a quelques semaines. Je parle ici de « Phoenix Again ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait du deuxième album paru en 2014. L'album s'intitule « Lookout ». Et la pièce qu'on va entendre, c'est « Winter ». Ça va être suivi de « Ta Proban ». « Ta Proban », qui aussi a sorti un album en janvier de 2017. C'était leur cinquième. Et on va entendre extrait de cet album-là, la pièce « Il difficile equilibrio tra sorgenti d'energia ». Et pour conclure, le troisième bloc, nous aurons un tout nouveau groupe qui est la relève aussi sur le rock progressif italien. C'est la Bocca della Verità. Et ils nous ont sorti un surprenant album en fin d'automne de l'année dernière. Et l'album s'intitule Avenot. Alors, on débute ça avec Phoenix Again. We'll be right back. Yeah. c'è più nessuno, specchio d'aria come nebbia, solo tracce di orme, non più animi umani. Nelle storie c'è una fine, anche senza un fine, per giustificare una lotta persa. Solo la materia, ma un pensiero stolto da una mente umana, proviene da una storia di religiosa scienza. Ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe italien La Bocca della Verità. Ça, c'est la relève du rock progressif italien, puisque c'est leur premier album qui est paru en 2016, l'automne dernier, et l'album s'intitule Avenot. Ça a été précédé de Taproban et la pièce Il Difficile, Equilibrio, Trasurgenti d'Energia, et extrait de l'album Per Aspera ad Astra. Ça, c'est paru en janvier 2017. Et en début de bloc, nous avions Phoenix Again et la pièce Winter, tirée de l'album Lookout, qui est paru en 2014. Après la pause, Unreal City, Ingranaggi della Valle et Universal Totem Orchestra. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au quatrième et dernier bloc de cette émission spéciale consacrée au rock progressif. Et désolé. Et voici donc le dernier bloc consacré au rock progressif italien des années 2000. Et on va débuter ça avec un groupe pas mal favori des Québécois. Il s'agit de Unreal City. Unreal City qu'on a déjà vu deux fois à Québec dans le cadre du festival Terra Incognita. et qui nous feront le plaisir de venir inaugurer leur troisième album « Frammenti Notturni » qui paraîtra le 10 septembre et on pourra les voir en spectacle pour inaugurer cet album-là à Québec le 8 octobre. Pour les détails, vous aurez qu'à consulter la page Facebook de Terra Incognita à Québec. Alors, Unreal City, ce qu'on va entendre d'eux, c'est un extrait du deuxième album qui est paru en 2015, Il Paese del Tramonto. La pièce s'intitule Oniro Mandia. Ça sera suivi de Ingranaggi della Valle. Ingranaggi della Valle qui a deux albums depuis 2013, le plus récent étant paru au début de l'hiver, ou à la fin de l'automne plutôt, 2016. L'album s'intitule Warm Spaced Blue. Et on va entendre Intal. Et en fin de bloc, nous aurons Universal Totem Orchestra, qui a trois albums, dont le plus récent est Mathematical Mother, qui est paru en fin de 2016 aussi. Mais ce qu'on va entendre, c'est paru en 2010 sur l'album de Magus. Et la pièce s'intitule Vanto Madre. Alors voici Unreal City. Fine. Nel mio sogno illuminato, d'improvviso si dischiuse la coscienza dell'Eterno. Vidi l'uomo e le stagioni, i suoi giorni, le sue ore, le sue ignobili viltà. Dolore al padre, portava nelle carni la natura della storia, delle quale il ritorno, come i figli ribelli nell'orta dell'inizio, andava e di poi il saggio. Dioniso Problem blieb Dornis und die Kräutermusse von ihm. Auf der Suche nach jemandem, der ihr Liebe erwiderkriegt. Dieser arme Makler. Ein Gefühl, das wie eine Ewigkeit scheint, aber doch nur ein Augenblick ist. Das Leib von ihrem neuen Liebsten verliert sich in ein endlosen Umarmen, weggerissen von den schwarzen Fluten vom Fluss. Aber du bist unterwegs zu den Baumkronen, schmückt von Tautropfen. Du kennst das Schicksal, das dir erwartet. Am Ufer von Meer. We'll be right back. sardine, curio re, la moralità. Chiusa in cerchi falsi dove la veridicità c'è o non c'è. È contro natura, c'è o non c'è. Prima di me, dopo di me, era salvo prima di me, dopo di me, la natura prima di me, dopo di me, salva. c'est sur la pièce 22 Metra du groupe Universal Totem Orchestra que se clôt l'émission spéciale consacrée au rock progressif des années 2000. Et la pièce est tirée de l'album de Magus qui est paru en 2010. Ça a été précédé de In Granady de la Vallée et la pièce In Tall. Ça, c'est extrait de Warm Space Blue qui était paru en 2016. Et au début de bloc, nous avions Unreal City et la pièce Chiromanza tirée de Il Paseo del Tremonto. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite en septembre pour la cinquième saison de Rock de Neurone. D'ici là, passez un bel été.